t'aime. Et là, violent comme un pitbull, tu SM pull la gueule, tu SM recoule, tu SM s'agite, mauvais comme un moustique, tu SM te flic, tu SM te flic, tu SM frappe ta basse à coup de patte, tu SM te rosse, tu SM te tu SM est malsain comme un ver de pluie. Tu SM est un furon, une tumeur, une verrue. Tu SM est là, tu l'as comme un pitbull. Tu SM bout de la gueule, tu SM recoule. Tu SM est une tâche qui picole de pastis. Tu SM est sa piste qui fait bon la pistache. Tu SM flatte ses cornes et tu SM accorde sa grappe. QSM de grâce et QSM t'irrite. QSM pète et puis s'arsenite. QSM est mauvais, plus que Marco Fauchiel. QSM pète ton nez, te tabasse à coup de pelle. QSM est caustique, QSM ça stick, QSM est rude, comme le marquis de Sade, QSM est crade, comme le marquis de Scud, QSM pisse, comme un appareil et passe, QSM passe, comme un appareil et pisse, QSM frite, QSM se frotte, QSM gratte et QSM te crosse, QSM latte, se casse en Écosse, à coups de batte, il te casse les os. QSM est caustique.